Alors, j'ai basse et micro, mais j'arrive pas à mettre de côté. Pourquoi ça marche pas? Je suis sur Reaper, ouais. Et Jam Taba. Alors, un. Je savais le faire, je ne me rappelle plus. Oui, merci. Merci. Alors.